Après avoir écouté les énoncés, lisez-les en respectant le découpage. 1. Je travaille à Ottawa depuis 2 ans. Je travaille à Ottawa depuis 2 ans. 2. Il faut que je lui rende son livre. Il faut que je lui rende son livre. 3. Ça me convient parfaitement comme ça. Ça me convient parfaitement comme ça. 4. L'assurance emploi vous donne droit à une allocation. L'assurance emploi vous donne droit à une allocation. 5. Il a été question de fermer l'usine temporairement. Il a été question de fermer l'usine temporairement. 6. La société a le mandat d'effectuer de la recherche fondamentale. La société a le mandat d'effectuer de la recherche fondamentale. 7. Des copies du rapport seront disponibles sous peu. Des copies du rapport seront disponibles sous peu. 8. L'élaboration des plans d'action devrait être terminée d'ici 2 semaines. L'élaboration des plans d'action devrait être terminée d'ici 2 semaines.